الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، donc nous continuons inshallah après l'introduction et les rites de la Umrah en détail qu'on a vu. On continue, Inch'Allah, dans l'ouvrage de Cheikh Mohammed ibn Jamil Zinu, Rahimahullah Ta'ala, Sifat Hajjati Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam, la manière d'accomplir le pèlerinage du prophète Alayhi Salatu Wasallam. Donc là, on s'est arrêté à A'malu al-Hajj, les actes du pèlerinage. En premier, il y a Al-Ihram. Ilbis thiyab al-Ihram yom al-thamin min dhil-Hijjah, bi Mecca. وقف مستقبلا القبلة قائلا لبيك اللهم حجة. Donc tu vas porter les vêtements de l'ihram, qui sont les deux tissus, les deux étoffes, l'un qui est al-izar pour la partie inférieure du corps, et l'autre qui est al-rida qui va couvrir la partie supérieure du corps. Tu fais cela le matin du 8e jour de Dhul-Hijjah. Le 8e jour de Dhul-Hijjah, c'est le premier jour du pèlerinage. Donc tu vas te mettre en état de sacralisation. Comme on a vu précédemment, je ne vais pas répéter, hein, comme on a vu précédemment, tu te douches, tu peux te parfumer ton corps, pas les tissus, les vêtements de l'Ihram. Puis devant la Qibla, tu formules ton intention. Ça, c'est parmi les rares moments où il est demandé de formuler, de prononcer son intention. Sinon, à la base, l'intention, elle est dans le cœur. On n'a pas à formuler ce qu'on va accomplir comme acte. Mais là, c'est demandé, là, c'est légiféré, car c'est l'enseignement du prophète, alayhi salatu wassalam, et c'est sa façon d'agir là-dessus. La baik Allahumma hajja, oh Allah, je viens à toi avec un pèlerinage. وقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم et tu peux dire aussi comme a dit le prophète صلى الله عليه وسلم اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. D'après ce hadith qui est authentique et rapporté par l'imam al-Bayhaqi رحمه الله, oh Allah, un pèlerinage qui ne comporte aucune ostentation. Je ne cherche pas à plaire à quiconque. Je ne cherche pas une quelconque éloge faite pour mon action. Je ne veux pas être vu par les gens, je ne cherche pas à être vu par les gens, ni qu'on parle de moi en bien. Irfa' sawtaka bit-talbiyah, lève la voix avec la talbiyah. Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Al-Mabit bi-Mina. Donc tu vas aller à Mina pour passer la nuit là-bas. La Mina, c'est une plaine, une grande plaine à perte de vue, qui comporte des campements, des tentes, selon les continents, les nationalités. Tout le monde se retrouve dans cette plaine. Et les lieux de pèlerinage sont leurs limites. On les voit en haut des montagnes. Il y a des panneaux pour te préciser où tu es exactement. Et c'est marqué Mina. Si tu sors, tu seras dans une autre plaine. Tu as Mina, tu as la plaine de Muzdalifa, tu as la plaine de Arafat. Donc là, c'est à Mina que tu vas. C'est le lieu de séjour durant le pèlerinage, le lieu de séjour. اذهب الى مينا بعد الشروق. Donc ça commence après الشروق. Qu'est-ce que الشروق? C'est le lever du soleil, quand l'heure de Fajr se termine. Quand l'heure du Fajr se termine. Donc à partir de Shour, on peut commencer à partir à Mina. وَصَلِّ خَمْسَ صَلَوَاتٍ قَصْرًا. Et tu vas accomplir à Mina 5 prières. قَصْرًا, raccourci. Qu'est-ce qui est raccourci? Ce sont les prières comportant 4 rak'a. Celles qui comportent 4 rak'a, elles vont devenir des prières à 2 rak'a. En l'occurrence, Al-Dhuhr, Al-Asr et Al-Isha. Al-Maghrib reste 3 rak'ah. Et Al-Subh, la prière Subh ou Al-Fajr, on l'appelle Al-Subh, on l'appelle aussi Al-Fajr, cette prière-là, elle comporte combien ? 2 rak'ah. On ne raccourcit que les prières qui ont 4 rak'ah. فتصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين في وقتها الظهر العصر العشاء ce sont les prières qui comportent 4 rak'ah. Tu vas aller faire 2 rak'ah seulement chacune en son temps, c'est-à-dire que ce jour-là, le 8 de Dhul-Hijjah, le premier jour de l'Hajj, on ne rassemble pas entre les prières. On ne fait que raccourcir celles qu'on a le droit de raccourcir. C'est tout. Chaque prière toute seule. On va arriver là-bas. La première prière qu'on va avoir à Mina, c'est laquelle ? C'est Dhuhr. Puis on aura l'Asr. Puis on aura le Maghrib. Puis on aura l'Isha. Chacune toute seule. Là, ça fait 4. Et on va passer la nuit à Mina. On dort à Mina. Et à l'aube, on fait la prière de l'Fajr. Ça fera 5 prières. Donc tu passes la nuit, tu dors là-bas pour pouvoir faire la prière de Sobh. Donc là on a passé la nuit, on est le matin, on a déjà fait la prière de l'Fajr. On est quel jour? On est le 9 de Dhul-Hijjah. On est le 9 de Dhul-Hijjah, le deuxième jour du Hajj. اذهب الى عرفه يوم التاسع بعد الشروق ملبيا ومكبرا. Bien sûr, Amina, toute la journée que tu as passée, la nuit que tu as passée, d'accord, tu es dans les tentes et on passe notre temps, la majeure partie de notre temps, dans le zikr, dans le dua, dans la lecture du Coran, la récitation du Coran, dans toutes choses qui sont bien à faire, les bonnes actions. On ordonne le bien, on interdit le mal, on fait preuve d'un excellent comportement, hein, on donne l'exemple, et surtout là on est en état de sacralisation, on est dans un énorme pilier de l'islam qui est le Hajj, ce rassemblement des pèlerins venus pour Allah tabaraka wa ta'ala, dans le seul lieu dans le monde entier pour lequel on accomplit, dans lequel on accomplit le pèlerinage. Il n'y a pas de pèlerinage à Médine. Comment voulez-vous un pèlerinage autre part? Il n'y a qu'à la Mecque. C'est le seul endroit légiféré et agréé d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout autre pèlerinage n'est pas accepté, est inventé. Pas de pèlerinage au Sénégal, à Touba, il n'existe pas. Ça, c'est inventé. Il n'y a pas de pèlerinage à Lourdes, dans les Pyrénées, c'est inventé. Tous les pèlerinages à Qom, à Najaf, en Iran, c'est inventé. Dans n'importe quel endroit dans le monde où des gens vous disent, parlent d'eux, d'aller à un endroit précis pour l'adoration, pour quoi que ce soit, ou pour chercher une bénédiction, et il n'y en a pas, si ce n'est à cet endroit-là de la Mecque et des endroits bien précis, Mina, Arafat, Muzdalifa, c'est ces endroits seuls dans lesquels il y a le pèlerinage accepté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc tu vas aller à Arafat, cette grande plaine de Arafat. Il y a aussi des campements de là-bas, il y a des tentes. Donc vous allez vous retrouver à Arafat. On part donc le matin du jour de Arafat, et les pèlerins, ils seront à Arafat le jour de Arafat. C'est-à-dire, il y a un jour qui s'appelle le Yom Arafat. Hein? Lorsqu'on est le 9 de Dhul-Hijjah dans le monde musulman, dans le monde entier, on est quel jour? On est le jour de Arafat. Eux, ils sont dans le jour de Arafat et dans la plaine de Arafat. Dans le temps et dans la géographie. Et dans l'espace, ils y sont. Subhanallah. Et pour les musulmans dans le monde, il est recommandé de déjeuner, pas pour le pèlerin. Le pèlerin, il est occupé avec son pèlerinage. Lui, il ne lui est pas demandé de déjeuner. D'accord? Et il continue la tarbiyah. Depuis qu'il s'est mis en état de sacralisation la veille, il est fait la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Il fait, en plus de tout ce qui est bon à faire, il fait aussi la talbiya. Il profite lorsqu'il y a des exhortations, il y a des cours, des leçons qui sont données. Il apprend. L'apprentissage, c'est quelque chose d'honorable, de vertueux, d'apprendre dans sa religion, d'augmenter sa connaissance, de mieux connaître son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, pour plus le craindre et pour mieux adorer Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc on profite. Et c'est le moment où il y a des conférences, il y a des cours donnés par des ulama, des mashayikh, on en profite. Si on a des personnes compétentes dans notre groupe qui peuvent faire des rappels, on en profite, on ne néglige pas. Subhanallah. On ne néglige pas. Rien n'est à négliger. Lorsque tu t'assois dans une assise, c'est soit tu vas apprendre des choses que tu ne connaissais pas, ou alors tu vas entendre des choses que tu connaissais, mais c'est un rappel pour toi. Et le rappel, il est bénéfique pour les croyants. Donc on ne néglige pas. Les gens qui apprennent, ce sont des gens qui s'assoient chez plus connaisseurs qu'eux, des gens qui sont égaux à eux, et des gens qui sont du niveau de leurs élèves. Subhanallah. Ça, ce sont les vraies personnes qui apprennent. Là où il y a un bénéfice, où il y a un intérêt, ils y vont et ils profitent. Tayyib. Donc, tu profites, hein, durant ce jour de Arafat. Et là, donc, tu es le matin, puis va venir l'heure de Dhuhr. وَصَلِّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِيهَا قَصْرًا. À l'heure de Dhuhr, on fera le Dhuhr et le Asr qasran. C'est-à-dire deux raka'a. Mais on va les réunir. Pour le jour de Arafat, on réunit entre le Maghrib, entre Dhuhr et l'Asr. Donc deux raka'a. Jam' taqdim. Donc c'est, on les a réunis à l'heure de Dhuhr. On a fait l'Asr à l'heure de Dhuhr. بأذان واحد وإقامتين. Avec un adhan, un appel à la prière et deux iqamah. وتأكد أنك في عرفة داخل حدودها. Sois sûr, rassure-toi que tu es bien dans le territoire de Arafat. Fais attention à ne pas être dans un endroit et la journée elle est passée et à la fin on te dit mais en fait tu n'étais pas à Arafat. Des fois des gens peuvent se trouver à la frontière. Surtout qu'il y en a, par exemple, ils vont à la mosquée de Namira. C'est la mosquée, la grande mosquée, où il y a la khutbah du Cheikh qui fait la khutbah le jour de Arafat. Et certains, ils sont à côté, ou ils ont la possibilité d'être dans cette mosquée. La mosquée de Namira, elle n'est pas entièrement dans le territoire de Arafat. Donc ceux qui sont dans cette mosquée, qu'ils fassent attention. Dans les tentes, vous êtes en Arafat en général. Mais ceux qui sont vers la mosquée, il y a une partie de la mosquée qui fait partie de Arafat et une partie qui est à l'extérieur de Arafat. Donc c'est pour cela qu'il y a ce rappel qui est fait aux pèlerins de bien se rassurer qu'ils sont bien dans le bon territoire. لأن الوقوف في عرفة ركن أساسي من تركه بطل حجه. Car la station à Arafat, d'être, de se retrouver à Arafat, c'est un pilier essentiel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Hajj ou Arafat. Le pèlerinage, c'est Arafat. C'est pour montrer l'importance de la station à Arafat. Et celui qui l'a délaissé, son Hajj est caduc. Si quelqu'un ne s'est pas retrouvé à Arafat, n'a pas fait la station à Arafat, il ne peut plus rattraper. Parce que c'est un pilier. Et le problème, c'est que ce pilier-là, tu ne peux plus le rattraper. Tu ne peux pas le refaire. L'Arafat, c'est une journée. Le lendemain, ce n'est plus l'Arafat. Donc celui qui a loupé ça, il doit revenir l'année prochaine. Il doit revenir pour refaire son Hajj. Subhanallah. D'où l'importance de faire attention. وقف مستقبلا القبلة رافعا يديك داعيا لله وحده. Mets-toi face à la Qibla, lève tes mains, fais des du'a, invoque Allah, tabaraka wa ta'ala. Wahdhar du'a ghayrihi. le Hajj, toutes les adorations tournent autour du tawhid, du monothéisme. Donc ça, c'est aussi un rappel. Et évite, fais attention, méfie-toi à invoquer autre que Allah Azza wa Jal. N'invoque que lui seul, celui pour qui tu es venu. Allah tabaraka wa ta'ala. Wa mulabbiyan muhallilan bi tahlil ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc toi, en faisant la talbiya et en faisant le tahlil, en disant la ilaha illallah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayru du'a'i yawm 'arafa. Meilleur du'a, c'est le du'a du jour de Arafa. C'est une journée. Et Allah, il la voit longue. Subhanallah. Ils se demandent comment passer cette journée. Et ils sentent presque qu'elle se termine. Ils ne savent pas la valeur de la journée. Ils ne savent pas la valeur de cette journée. Subhanallah. Au lieu de profiter convenablement de ces moments. Meilleur du'a est le du'a du jour de Arafa. Wa khayru ma qultu ana wal nabiyyuna min qabli. Est la meilleure formule que j'ai dite moi ainsi que les prophètes avant moi, c'est la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hadith hasan rawahu at-Tirmidhi. Un hadith qui est bon rapporté par at-Tirmidhi. La ilaha illallah, nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah. Il n'y a pas de véritable divinité digne d'être adorée, qui mérite l'adoration, si ce n'est Allah, l'unique, le seul qui n'a pas d'associé. Subhanallah. La ilaha illallah, wahdahu, la sharika lah. La ilaha, il n'y a pas de divinité. Toute divinité est fausse. Sauf Allah qui est le seul véridique, la véritable divinité qui mérite l'adoration. Puis on dit wahdahu la sharika lah. C'est une confirmation de ce que tu as dit avant. Wahdahu, il est l'unique. Et avant tu as dit illallah. La sharika lah, il n'a pas d'associé. La ilaha, il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc c'est des formules de confirmation de tawhid, que c'est lui seul subhanahu wa ta'ala qui mérite l'adoration. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la meilleure parole dite par moi, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les prophètes avant lui, c'est cette formule. La ilaha illallah, wahdahu, la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa qala aydan, à lui appartient la royauté, ainsi que la louange. La louange, c'est ce à Allah, c'est-à-dire qu'on lui fait les éloges avec amour. Al-thana, c'est faire les éloges de quelqu'un. Mais ça peut être fait avec amour, comme ça peut être fait par contrainte ou autre chose. Al-hamd, ce sont des louanges faites et des éloges faites à Allah, mais accompagnées d'amour. Pour celui qui est le seul et l'unique qui le mérite, qui est Allah, tabaraka wa ta'ala. Toutes les louanges appartiennent à lui seul. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Subhanahu wa ta'ala. Et il est capable de toutes choses. Rien. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Subhanahu wa ta'ala. Et il est capable de toutes choses. Wa qala aydan, ahabbul kalami ila Allah ta'ala arba' subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar rawahu muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les paroles les plus aimées auprès d'Allah, les meilleures des paroles auprès d'Allah, c'est ces quatre formules: subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Et ça, c'est la semence du paradis. Ibrahim alayhi salam, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le croise durant l'Isra wal Mi'raj, durant l'ascension, il lui a dit passe le salam à ta communauté de ma part et informe-les que le paradis, la beauté du paradis, tout ce qui est dans le paradis, et que sa semence, c'est ses parents. Celui qui veut récolter dans le paradis, voilà la semence. Pourquoi perdre son temps, subhanallah? Profitez-en. en tout moment, et encore plus durant ce moment-là. Et encore plus durant ce moment-là. وَبْقَ عَلَى هَذَا حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسِ. Et tu restes ainsi jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Tu restes dans Arafat, dans la plaine de Arafat, jusqu'au coucher du soleil, en invoquant Allah tabaraka wa ta'ala, proclamant sa grandeur, subhanahu wa ta'ala, lisant le Coran, faisant le bien, en apprenant sa religion, en ordonnant le bien, en interdisant le mal, et ainsi de suite. Puis vient l'autre action, al-mabitu fi Muzdalifa, de passer la nuit dans la plaine de Muzdalifa. Inzil min Arafa ba'd al-ghurub bi hudu ila Muzdalifa. Donc, il y a le coucher du soleil. Normalement, c'est quoi là, ce moment? La prière de al-maghrib. Mais tu ne pries pas. Tu ne pries pas à ce moment-là. Tu ne pries pas. Donc, c'est l'heure de maghrib. Tu restes encore un peu. Il va se passer un petit moment de maghrib. Puis, tu vas en direction de Muzdalifa. Pourquoi? Parce que la prière de maghrib, tu la feras avec l'Isha. Quand tu arriveras à Muzdalifa, en général, quand on arrive, c'est déjà l'heure de l'Isha. Et là, on fera un jam'a, qu'on appelle jam'a ta'khir, parce qu'on a retardé le maghrib à l'heure de l'Isha. À l'heure de l'Isha. وَصَلِّ الْمَغْرِبْ وَالْعِشَى قَصْرًا جَمْعَ تَأْخِيرًا. Donc, et tu feras le maghrib 3 et l'Isha 2 raka'a. Avec un adhan, بِأَذَانٍ وَاحِدْ وَإِقَامَتَيْنِ. Avec un adhan et deux iqamah. وَبِدْ فِيهَا وُجُوبًا لِتُصَلِّ الْفَجْرِ. Et c'est une obligation de passer la nuit à Muzdalifa jusqu'à prier la prière de l'Fajr en son heure. وَيَذْكُرَ اللَّهِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Et il invoquera Allah dans ce lieu ou un lieu bien précis de Muzdalifa qui s'appelle Al-Mash'ar al-Haram si c'est possible. مُسْتَقْبِلًا الْقِبْلَ رَافِعًا يَدَيْكِ دَاعِيًا حَامِدًا مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا مُوَحِّدًا وَالْمُزْدَلِفَ كُلُّهَا مَشْعَرًا. Et tout le Muzdalifa est Mash'ar, comme il dit. Donc, et tu lèves tes mains et tu fais des du'as en proclamant la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, en magnifiant Allah, en lui faisant les louanges, en le glorifiant tabaraka wa ta'ala. وَيُسْمَحُ لِلْضُعَفَى بِالْإِنْصِرَافِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ. Après la moitié de la nuit, donc la deuxième partie de la nuit, il est permis, dérogation est faite aux faibles, aux personnes qui ont des difficultés, hein, de rester jusqu'au Fajr, parce que là il y aura trop de monde pour aller, pour bouger. Donc il leur est fait dérogation pour pouvoir quitter Muzdalifa avant l'heure de Fajr. Mais la majorité des gens, les gens qui n'ont pas de problème, eux doivent rester jusqu'à la prière de Al-Fajr. Puis il viendra le matin, il aura fait la prière de Al-Fajr, il devra aller à Mina pour faire Ar-Rami. Pour faire Ar-Rami. Donc là, on est quel jour? On est le 10e jour de Dhul-Hijjah, le 3e jour du Hajj. Il a commencé le 8, le 3e jour du Hajj. C'est quel jour ce jour-là? C'est le jour de Eid al-Adha. Dans le monde musulman, c'est Eid al-Adha, la fête du sacrifice. Lui, le pèlerin, il est occupé avec ses actions. Donc, ce n'est pas la peine qu'il pense à la prière de l'Eid. D'accord? Il est occupé. Si, c'est rare, mais si quelqu'un a eu le temps de faire ces choses-là, il arrive à Mecca et c'est la prière de l'Eid, il peut prier l'Eid avec eux. Mais ça ne lui est pas demandé. Il n'est pas concerné car il est occupé avec ses rites du pèlerinage. Mais en général, nous, quand on fait le pèlerinage, quand on arrive à Mecca, c'est déjà des fois même le soir. Donc la prière elle a déjà été accomplie. Mais dans les lieux du pèlerinage, ils ne font pas la prière de l'Eid. Les gens sont occupés avec les rites du pèlerinage. اخرج من مزدلفة قبل الشروق إلى منى. Donc on reste après la prière du Fajr jusqu'à un peu avant le shuruq, un peu avant le lever du soleil. Commence à faire clair, mais ce n'est pas encore le lever du soleil. Et à ce moment-là, les gens se dirigent vers Mina. Donc يوم العيد ملبيا وعليك السكينة. Toujours la talbiya. Hein, talbiya, elle continue, hein. Même si on ne le répète pas, mais elle continue à telbiya. avec quiétude et apaisement, tranquillement. Alhamdulillah, on y va tranquillement et apaisement. On est en acte d'adoration. Warmi al-jamrat al-kubra. Et tu y vas pour lapider la grande stèle. Donc pour celui qui vient de Muzdalifa, c'est la dernière stèle. La première et la deuxième, on ne s'en occupe pas ce jour-là. On ne s'occupe que de la dernière stèle, c'est celle qui est la plus proche de Mecca. D'accord ? Donc quand on arrive à cette stèle-là, il faudra la lapider avec cette petite caillasse, cette petite caillou qu'on aura ramassé à Mina ou autre, n'importe quel endroit, ce n'est pas un problème. وارمي الجمرة الكبرى جاعلا مكة عن يسارك ومنى عن يمينك. Si possible, de sorte tu te mets face à la stèle que tu vas lapider, si tu peux mettre, faire en sorte que Mecca soit à ta gauche et Mina à ta droite. D'accord? Mecca à ta gauche et Mina à ta droite. Si Mecca elle est là-bas, là tu es à la fin de Mina. Mina elle est derrière là. Donc de sorte de te mettre comme ça, d'accord? Comme ça, tu as Mecca à ta gauche et Mina à ta droite. Si c'est possible, ce n'est pas une obligation, hein? Si c'est possible, c'est le mieux à faire. بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ سَغِيرَةٍ تَأْخُذُهَا مِنْ مِنَا. Donc tu as ramassé à Mina cette petite caillasse que tu as ramassée à Mina. مُكَبِّرًا مَعَ كُلِّ حَصَاتٍ. À chaque jet, tu dis Allahu Akbar. Allahu Akbar et tu jettes. Et tu fais bien attention que le caillou va bien dans le trou. Même s'il n'a pas touché la pierre, mais qu'il aille bien dans ce lieu-là, cet endroit-là. Et c'est des petits cailloux, hein, c'est tout petit. Hein, on ne prend pas des gros cailloux, des chaussures, ou je ne sais quoi. Parce que les gens, chacun, il vient, comment lui expliquer? Ou comment il comprend les choses? Il y en a, ils pensent que c'est vraiment Shaitan qui est devant lui. Donc une petite caillasse, ça ne va rien lui faire à Shaitan. Donc voilà, il faut faire attention. Parfois même les cailloux que tu jettes, ça peut aller sur la tête de quelqu'un. T'imagines si c'est une grosse pierre? Subhanallah. C'est déjà arrivé, hein. Les gens ont été assommés par des grosses pierres. عَلِمًا بِوَقُوعِهَا فِي الْمَرْمَى. En sachant, tu es sûr qu'elle est bien tombée dans le trou où il y a la stèle. فَإِذَا لَمْ تَقَعْ فِيهِ فَاعِدْهَا. Si tu as raté, tu as loupé ton tir, alors tu recommences. Hein, tu recommences. C'est mieux d'en avoir plusieurs, plus que sept, au cas où. Et tu peux même, ça peut même aider des gens qui sont avec toi, des fois. Et quelqu'un, par exemple, qui a trouvé un endroit où il y avait beaucoup de petits cailloux, qu'il en prenne plein. Vous en avez, dans le groupe, vous allez vous retrouver avec des gens qui n'arrivent pas à les trouver. Parfois, par où ils sont passés, il n'y en avait pas. Donc vous allez pouvoir les partager. Une fois que tu as fait ça, tu as lapidé la stèle, l'aqaba qu'on appelle, c'est la grande stèle, on l'a plus dit, jamratul aqaba, tu arrêtes la talbiya. La talbiya, son moment s'arrête là. La talbiya, son moment s'arrête là. Walbas thiyabaka wa tatayyab wa yahillu laka kullu shay' illa an-nisa. Donc là, tu es dans la désacralisation mineure. Tu rentres dans la désacralisation mineure. C'est-à-dire que tout te redevient permis sauf d'approcher son épouse. Celui qui a son épouse avec lui. La désacralisation majeure, elle n'aura lieu qu'une fois que tu as fait le tawaf qu'on va voir. Que tu es retourné à Mecca pour faire le tawaf. Ça, c'est un avis. C'est un avis qui existe chez les savants. Certains savants disent qu'il faut qu'il y ait, en plus de cela, le rasage de la tête. Le rasage de la tête, une fois que tu as fait la lapidation de la stèle et tu as rasé ta tête, à ce moment-là, tu es désacralisé, mais la désacralisation mineure. Tout te redevient permis, sauf l'homme, il ne peut pas approcher son épouse, jusqu'à qu'il y ait la désacralisation majeure. Al-Dhabh, le sacrifice de la bête. اذبح ذبيحة واسلخها في ميناء أو مكة. Donc de sacrifier une bête soit à Mina ou à Mecca. Bon, ça c'est aujourd'hui c'est pratiquement impossible, c'est très difficile. Il y a des abattoirs, il y a des fonctionnaires, des travailleurs qui s'occupent de cela. Donc c'est par dérogation par procuration, excuse-moi, par procuration, ils le font à ta place. Donc quand tu vas payer ton mouton, eh ben, c'est, il y a des sacrificateurs qui le font à ta place. Al-halq, de raser sa tête. Ihlaq sha'raka kullahu wa huwa al-afdal. Le mieux, ce qui est préférable, c'est de raser complètement sa tête. Sinon, anqassirhu, ou alors tu tailles tes cheveux, tu coupes tes cheveux, mais comme on l'a dit tout à l'heure, soit on rase tout, soit on taille tout, la tête pareillement. D'accord ? At-tawaf wa sa'i. Puis, il faut retourner à Mecca. Retourner à Mecca. Si on n'a pas fait ce jour-là, on peut le faire le lendemain. Mais on ne sera toujours pas en état de désacralisation majeure. Mais il faut faire le tawaf, qu'on appelle comment ? Pour nous qui sommes normalement en tabattur, on a fait la umrah, on s'est désacralisé, on s'est remis en état de sacralisation pour le hajj. On a ce tawaf qui s'appelle tawaf al-ifada. Tawaf al-ifada avec le sa'i à faire. Tawajjah ila Mecca fatouf hawla al-ka'ba sab'an. Donc tu feras le tawaf comme on a vu précédemment. À la différence que si tu as toujours tes vêtements de l'ihram, les deux étoffes, tu gardes les deux épaules bien couvertes. Si tu es parti à l'hôtel, dans ta chambre, tu as pu te doucher et remettre ton kamis, tes vêtements, puisque ça y est, tu es en désacralisation mineure, tu as le droit de t'habiller. Donc, alhamdoulilah, donc tu viens faire le tawaf. Et tu le fais en marchant les sept tours. En marchant les sept tours. Et bien sûr, lorsqu'on a parlé de couper les cheveux, pour la femme, comme elle a fait pour la Umrah, elle prend le bout de ses cheveux, 2-3 cm, elle peut couper. Donc il fera le tawaf comme on l'a vu tout à l'heure, dans la Umrah. Il fera Safa et Marwa de la même manière qu'on a vu tout à l'heure. Ça, ça ne change pas. Puis, il viendra les dernières actions qui sont Al-Mabit fi Mina wa Rami. Une fois que tu as fini, tu retournes à Mina, là où tu es venu le premier jour, dans ton campement, dans les tentes, et tu vas passer les nuits à Mina pour la journée aller lapider les trois stèles. Pour aller lapider les trois stèles. Irja ila Mina ayyam al-Eid wa bit fiha wujuban. Donc, c'est une obligation de passer la nuit. Hein, les nuits de Tashriq à Mina. Al-Rami wa waqtuhu ba'd al-dhuhr ila al-ghurub. Et son temps normal, il commence après la prière de Dhuhr, alors de Dhuhr jusqu'au coucher du soleil. En temps normal, c'est l'horaire où il est demandé d'aller faire le Rami des trois stèles. Wa yamtaddu ila al-layl 'inda ad-darura. Et pas en cas de nécessité, quelqu'un peut prolonger et le faire pendant la nuit. S'il n'a pas eu le temps, il n'a pas pu, il a été dans l'incapacité de le faire durant la journée. Irmi al-jamarat al-thalath bit-tartib. Tu dois lapider les trois stèles dans l'ordre. La petite, la médiane, puis la grande. Bisab'i hasayatin li kulli jamra. Pour chaque stèle, tu dois lapider avec sept petits cailloux. Donc, chaque jour, tu as besoin de combien de cailloux ? 3 fois 7, ça fait 21. Donc, 21 cailloux, que tu as 7, 7, 7. D'accord. Taltaqituha min Mina. Donc, tu as ramassé dans le territoire de Mina. Mukabbiran ma'a kulli hasa. À chaque jet, tu dois dire Allahu Akbar. Comme on a vu précédemment. Aliman bi wuqu'iha fi al-marma. En faisant attention que chaque pierre elle a bien atteint son lieu. Sinon, tu devras recommencer le jet. Il faut 7 qui sont, ils ont atteint leur lieu. Quand tu as lapidé la première, tu te mets sur le côté, tu lèves les mains en direction de la Kaaba et tu fais des du'as. Lorsque tu as lapidé la deuxième, tu fais la même chose. Tu lèves les mains en direction de la Qibla et tu fais des du'as. Et pour la troisième, lorsque tu as lapidé, tu ne le fais pas. Tu le fais que pour la première et la deuxième. La première et la deuxième. Donc tu fais ça le premier jour de At-Tashriq. On est le 11e jour de Dhul-Hijja, le 4e jour de l'Hajj. D'accord. Et pendant la journée, la nuit, comme on l'a dit, tu profites, dua, zikr, Qur'an, et ainsi de suite. Toutes les bonnes actions, on en profite. On passe la nuit à Mina. Le lendemain, on est le 12e jour de Dhul-Hijja, le 5e jour du Hajj, le 2e jour de Tashriq. D'accord ? À partir de Dhuhr, on commence à aller à Mina pour lapider, comme on a vu, les trois stèles. Celui qui est pressé, il quitte Mina avant le Maghrib. Avant le Maghrib, et son Hajj, il est terminé. Ceux qui ne sont pas pressés, et c'est le mieux à faire, ils restent à Mina. Ils passent la nuit, et le lendemain, on sera le 13e jour de Dhul-Hijja, le 3e jour de Tashriq, le 6e jour de l'Hajj. C'est le dernier jour de l'Hajj. À partir de Dhuhr, ils vont au stèle, au Jamarat, ils lapident la première, la seconde et la troisième, comme on a vu précédemment. Une fois ceci terminé, le Hajj est terminé. On espère qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte nos œuvres et qu'il les agrée. Puis, on quitte le campement et on retourne à Mecca dans nos hôtels. On termine notre séjour, d'accord ? On termine notre séjour à Mecca. Puis vient le moment du départ, du voyage. La dernière chose à faire, c'est le tawaf al-wada'. Tawaf al-wada'. Sauf pour la femme qui est en état de menstrue ou en état de louchie. Celle-là, elle est excusée. Les autres se doivent de faire tawaf al-wada'. C'est un acte obligatoire, sauf pour la femme qui est en état de menstrue ou en état de louchie. Et le voyage est accompli juste après. On voyage juste après. Si on avait des achats, on avait des choses à faire, on les a déjà fait. Ça y est. C'est la dernière chose à faire. On s'organise pour que derrière le tawaf al-wada, alhamdulillah, il ne reste plus qu'à voyager, à partir. Ça, c'est pour le hajj. Pour la umra, quelqu'un qui part en umra durant l'année, il n'y a pas de tawaf al-wada. Tawaf al-wada, il est demandé pour le hajj. Pour le hajj. Donc voilà, Inch'Allah, j'espère qu'on a fait un peu le tour de la question. Le temps ne le permet pas, mais peut-être à d'autres occasions. Et puis, alhamdoulilah, beaucoup de cours sont donnés sur les sujets. On aurait bien voulu aussi parler sur la visite de Médine. Mais là, alhamdoulilah, on a pris beaucoup de votre temps. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam wa barak على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.